De l'autre côté de l'Atlantique, Slim Harpo, eh oui, le bluesman Slim Harpo, fait une percée remarquée dans les charts avec Baby Scratch My Back, un morceau que beaucoup de bluesmen français et autres ont repris dans leur répertoire. I'm itching. and I don't know where to scratch. Come here, baby. Scratch my back. I know you can do it. So, baby, get to it. Ah, you're working with it now. You got me feeling so good. A little bit to the center now, baby. This little girl sure knows how to scratch. Now you're doing a chicken scratch. Cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.